cœur, mon piano et moi qui me parle de nous. C'est aussi le souvenir de nos moments les plus doux. Et puis ta voix si lointaine et si proche à la fois, qui surgit de l'invisible, ton pays est trop froid. Encore mes vieux airs qui me parlent de nous. C'est aussi l'image de toi gravée en moi partout. Et puis on écoute tes appels là-bas, capable de laisser mon moi dans tous ces états. T'imagines